Audrey H., septembre 1983, décembre 1984, août 1987. Au cours des 6 années qui suivirent, Audrey fit 3 rechutes. 3 rechutes suffisamment alarmantes pour justifier une hospitalisation dans ma clinique. À chaque fois, ce fut M. H. que je rencontrais. Madame H. avait décidé de rester en retrait de la maladie de sa fille et de ses soins, et je ne la vis plus dans les murs de la clinique. M. H. se montrait tout à la fois inquiet et dépassé, tendre avec Audrey mais absent, non agissant, capable seulement de me la confier et de retourner à la Pommeraye. Je ne le juge pas, et j'essaie de ne pas non plus juger trop son épouse après les épreuves qu'ils ont traversées. Quelles que soient les erreurs qu'ils aient commises, quel que soit l'égoïsme ou la lâcheté dont ils ont pu faire preuve, ils ont été punis bien au-delà de leur faute, enfermés dans un enfer qu'ils n'ont pas mérité. Mais je m'éloigne du passé, et il me faut y revenir, comme lorsqu'on plonge dans l'eau et qu'elle vous porte vers la surface. Il faut faire effort pour descendre. Je descends donc, vers ces quelques semaines éparses dans les années 80, où Audrey me fut amenée en miettes, et où, chaque fois, je pus l'aider à trouver en elle-même suffisamment de vaillance pour se rassembler et ressortir sur ses pieds. Il n'y eut plus d'épisode de mutisme, bien qu'elle parlât fort peu pendant ces périodes de prostration, elle répondait malgré tout aux sollicitations. Mais ses symptômes, éternels compagnons du mal de vivre, étaient préoccupants. Inappétence générale, extrême difficulté à se nourrir, prostration, insomnie, crise d'angoisse. Elle restait la plupart du temps couchée et ne faisait rien. Ses rechutes, d'après ce que je pus déduire, furent toujours plus ou moins réactives. Audrey ne se laissait pas sombrer d'elle-même, mais les événements la submergeaient parfois à tel point qu'elle n'y faisait pas face. Je connus plusieurs patients dans ce cas, mais aucun aussi fragile et courageux qu'Audrey. Il était impossible de dire qu'elle était inapte au bonheur, car je l'avais vue heureuse, et tous ceux qui l'aimèrent la décrivent comme une personne charmante, pleine de fantaisie et d'envie, riant souvent, généreuse et active. C'était la jeune fille du mariage de son frère, portée par un élan de vie superbe, éclairé de l'intérieur. Et puis, il survenait quelque chose, une séparation, un départ, un simple changement parfois, et Audrey, comme une enfant heurtée par une vague un peu plus haute que les autres, et qui jouait avec insouciance sur le rivage, perdait pied, se faisait rouler dans la déferlante, et reparaissait le plus souvent à demi-morte, tremblante et traumatisée. Mais, et c'est là la nature particulière de son courage, bien qu'elle sût ce qui l'attendait, elle y retournait. Elle recommençait à jouer sur le rivage, jusqu'à ce qu'une autre vague l'emporte, un peu plus loin que la précédente, un peu plus forte, un peu plus dangereuse. Audrey n'a jamais renoncé à être heureuse, et c'est ce qui m'a si fortement attaché à elle. Elle se relevait toujours, même quand c'était difficile, pour retourner dans la vie. En septembre 1983, sa rechute fut causée par le départ à l'étranger de son amie Hélène, qui partit faire ses études au Canada et qui, je crois, y fit sa vie. En décembre 1984, elle se sépara volontairement d'un petit ami qu'il adorait et plongea dans la mélancolie quelques semaines après. En août 1987, elle eut une autre crise suite à une dispute violente avec sa mère, et ce fut à la suite de cette hospitalisation qu'elle résolut de quitter la maison et de prendre un appartement en ville. Contre l'avis de ses parents, qui jugeaient ce métier avilissant, elle avait suivi des études d'assistante sociale et s'investissait énormément dans son travail, peut-être même de manière excessive. Mais ne suis-je pas, moi qui vous parle, en train d'écrire un livre entier sur l'une de mes patientes? Lorsqu'on travaille sur l'humain, la frontière est mal tracée entre le manque et l'excès. Il faut accepter d'être potentiellement happé par la vie d'un autre, dans son tourbillon. Je me souviens d'une conversation, parmi d'autres, que je livre au hasard. Les livrer toutes n'auraient pas plus de sens pour mon lecteur que ces conversations n'en ont eu pour moi, mais des faits ne furent pas éclairés d'une réussite ultérieure. Ce devait être en 1989, après la dispute avec sa mère, quelques jours après son entrée dans la clinique, lorsqu'elle était assez calme pour parler quelques minutes sans pleurer, et qu'elle avait assez de force pour répondre aux sollicitations extérieures. Elle paraissait toujours désolée d'être là, non par rapport à elle, mais par rapport à moi, comme si elle m'eût fait défaut et déçu. Moi, j'étais désolé pour elle, et comme mon affection pour cette patiente, que j'avais connue à l'âge de 3 ans, grandissait à chacun de ses séjours, j'éprouvais une joie de la revoir, mêlée de tristesse. Ainsi le réclame mon métier. Mes patients ne viennent à moi que lorsqu'ils ont besoin de moi, et je n'ai donc jamais le droit de me réjouir de les voir, car ils sont alors toujours en danger. « Je ne suis pas content de vous voir. »« Audrey, lui dis-je avec mon sourire le plus tendre. »« Je sais, docteur, » me répondit-elle sur le même ton. « Je ne suis pas contente non plus. » Nous nous sourîmes, avec beaucoup d'affection et beaucoup de douleur. « Qu'est-ce que je deviendrais sans vous ? » ajouta-t-elle. « Vous iriez peut-être beaucoup mieux, » dis-je en plaisantant. Elle rit et ne répondit rien. Ma mère et moi nous sommes disputés juste avant la crise. « Oui, votre père m'en a parlé. » C'était au sujet de mon frère. Ma mère déteste Laure. Elle a dit que ce serait une bénédiction s'il ne pouvait pas se reproduire. Et vous avez pris sa défense? Oui. Alors que vous ne l'aimez pas non plus. C'est exactement ce que ma mère m'a dit, fit observer Audrey en souriant à nouveau. Pourquoi vos rapports avec votre mère se durcissent-ils à propos de Laure? Pourquoi elle? Je suppose que c'est parce que c'est la femme de mon frère. Vous voyez, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'elle ne le rend pas heureux, lui. Mais ma mère la déteste comme ça, en général, parce qu'elle ne lui plaît pas. Est-ce si différent? Ma mère se moque du bonheur de Pierre. Pourquoi était-il question de se reproduire? Parce que Laure, la veille au soir, nous avait interminablement parlé de ses problèmes de stérilité. Ils essaient d'avoir un enfant depuis plusieurs années. Pierre n'en parle pas, bien sûr, mais Laure ne fait que cela. Cela exaspère ma mère. Pourquoi, à votre avis? Je suppose qu'elle ne comprend pas pourquoi voir des enfants pose un problème à qui que ce soit, puisque cela ne lui en a pas posé à elle. Peut-être que cette agressivité cache une réelle inquiétude pour son fils. Peut-être, dit Audrey laconiquement. Mais vous ne le pensez pas, non. Vous vous disputez souvent avec votre mère. Oui et non. Elle dit souvent des choses qui me contrarient, qui m'énervent, et je pars souvent de manière, disons, prématurée de la maison. Mais je ne fais pas d'éclat. Et là? Là, j'ai éclaté. Je lui dis tout ce que j'avais sur le cœur, qu'elle était égoïste et se fichait de notre bonheur, que Pierre désirait des enfants et qu'elle n'avait pas souhaité qu'il n'en ait pas, qu'elle ne savait même pas ce que c'était que de désirer des enfants. Fis-je. Et qu'a-t-elle répondu? Qu'elle avait désiré Jessica et que c'était la seule qu'on lui a retirée et que ce n'était pas elle qui aurait grandi de manière aussi détestable, que j'étais ingrate. Qu'elle et papa avaient passé les 10 dernières années à ménager ma maladie mentale, que cette maladie était inventée juste pour les faire enrager. Évidemment, ça m'a cloué le bec. C'était un coup bas. Oui, elle est très douée pour ça. Que pensez-vous de ces propos? Ils sont vrais. Que voulez-vous dire? Je pense qu'effectivement, je suis une lourde charge pour eux. Je sais que papa est très inquiet pour moi. Je sais que ma mère a fait beaucoup de concessions à cette maladie mentale, comme elle l'appelle. « Comment l'appelleriez-vous ? » ?»« C'est vous le psychiatre. »« Dépression ?»« Oui. Quand je me parle à moi-même, j'appelle cela mes idées noires. »« Parlez-moi de ces idées noires. » »« J'imagine parfois comment ça serait si je n'étais pas là. »« Je me dis que tout serait peut-être plus simple. »« Vous parlez de pulsions suicidaires ?»« Oui. » »« En avez-vous en ce moment ?»« Non, mais jusqu'à hier j'en avais. » »« Lorsque vous avez vos idées noires, » dis-je gravement, il ne faut pas les garder pour vous. Il faut en parler immédiatement, à votre entourage, à moi. Vous me le promettez? Si vous voulez. Elle avait des larmes dans les yeux et un regard si sombre, si noirci par la contemplation de la mort, que j'eus peine à le soutenir. Votre mère vous a dit que votre maladie était inventée pour la faire enrager. Audrey redoubla de pleurs. Peut-être qu'elle a raison. Pourquoi dites-vous cela? Parce que ma mère est méchante, mais qu'elle dit souvent la vérité. Votre mère ne dit pas la vérité cette fois-ci, Audrey. Et elle se contente d'être méchante. Votre maladie n'est pas inventée, et vous n'en êtes pas responsable. Audrey pleurait trop maintenant pour continuer l'entretien. Je la laissais sortir et regagner sa chambre. Je repense aujourd'hui à ces deux phrases, celle d'Audrey d'abord. Ma mère est méchante, mais elle dit souvent la vérité. Et celle de Madame H, ensuite. Ce serait une bénédiction si Laure ne pouvait pas se reproduire. N'avaient-elles pas, toutes les deux, horriblement raison? Audrey ne rentra jamais de plein pied dans la thérapie. Je n'ai pas su l'y faire parvenir, et je ne crois pas exagérer en disant qu'elle en est morte. Je reste sûr que si elle avait réellement effectué ce travail, elle eût été sauvée. Mais en avait-elle la force morale? Pouvait-elle se dresser contre ses démons? Je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas dans la psychanalyse une inégalité indépassable. Seuls ceux d'entre nous qui possèdent la force morale peuvent mener un travail analytique à son terme. Les autres n'en sont pas capables. Ce lent et douloureux travail d'arrachement à soi-même et de métamorphose, cette mue où il faut laisser toute sa peau, leur semble une mutilation impossible. Ils éprouvent à cet égard la même répulsion qu'une personne saine d'esprit à l'idée de se couper une main ou de se tuer. Ils ne peuvent pas. Je restais donc, et pour toujours, en dehors de son esprit, face à l'énigme qui m'était donnée par bribes, diluée dans le temps, répandue au hasard. J'appris bien sûr des menus détails de la vie d'Audrey, passée et présente, suffisamment pour la connaître et pour l'aimer comme une amie, mais pas assez pour la comprendre ou pour entrevoir la ligne de faille qui clivait sa vie en deux parties. Ses contradictions étaient nombreuses. Par exemple, bien qu'elle eût beaucoup de mal à supporter sa mère, elle n'envisageait pas de vivre loin d'elle, à plus de quelques kilomètres, et se montrait extrêmement angoissée à l'idée de sa mort. Elle souffrait de sa solitude amoureuse, mais repoussait les hommes qu'il aimait. Lorsqu'elle-même aimait, en revanche, elle était capable d'une audace surprenante, qui contrastait avec sa discrétion habituelle. Elle manifestait un intérêt puissant pour les familles dont elle s'occupait dans le cadre de son travail, et leur consacrait un temps important. Mais elle en parlait parfois avec une grande dureté, et savait se montrer intransigeante. Elle adorait Hélène, avec constance, bien que cette dernière se montrât parfois oublieuse et ingrate. Elle n'oubliait jamais l'anniversaire de qui que ce soit, pas même le mien, et offrait continuellement un cadeau à quelqu'un. Elle vivait dans un désordre indescriptible qu'elle ne pouvait expliquer. Il y avait des photos d'elle-même partout dans son appartement et même dans sa chambre de la clinique. Des photos d'elle avec des enfants, particulièrement cousin éloigné, enfant d'Hélène et plus tard sa nièce. J'essayais sans cesse d'échafauder des théories qui ne collaient jamais. Il y avait en elle quelque chose de l'ordre de la recherche éperdue de se faire aimer, mais pas des hommes dont elle était capable de mépriser l'attachement, et pour dire le vrai, pas des familles dont elle avait la charge, ni même des enfants. Il y avait en elle un rejet de sa mère, à travers, par exemple, l'exaspération qu'elle manifestait envers la bourgeoisie. Mais elle pouvait être dure comme elle, par moments. Il y avait un éclatement de son identité, une perpétuelle construction de l'image de soi, un éparpillement physique et matériel continuel de son moi intérieur. Je voyais, je comprenais ces éléments, mais je ne pus jamais percevoir la cohérence de sa psyché. L'esprit humain est comme un paysage plein de reliefs et de dépressions, d'eau courante, de constructions. Il peut être luxuriant ou désertique, banal ou surprenant, sauvage ou surcivilisé, mais il obéit toujours à une loi interne, comme le paysage, qui s'est formé par les effets successifs de la géologie, de l'érosion, de la main humaine, et qui possède une histoire lisible dans ses moindres plis, un sens caché au profane, mais lumineux pour le géographe. La personnalité humaine se donne comme un tout, mais l'œil exercé peut parfois percevoir son unité, la profonde nécessité de sa structure. Il appréhende alors les strates de la biologie, de la famille, de la culture et de la liberté dans l'extraordinaire profusion de la conscience. Le géographe qui comprend un paysage sait pourquoi chaque pierre se trouve ici, pourquoi tel lieu est abîmé, pourquoi tel autre est délaissé et tel autre surexploité. Il sait où se trouvent les ressources, les manques à combler. Il comprend les stratégies de compensation. Ainsi, le psychologue comprend les aspérités d'un caractère. Les goûts et les dégoûts prononcés, les qualités laissées en friche, les défauts ravalés, les peurs cachées, les désirs avoués. Il se repère. L'esprit d'Audrey est resté pour moi un paysage mystérieux dont surgissaient des éléments imprévus et dans lequel je me suis perdu à force de tourner en rond. Bien sûr, je puis écrire qu'elle souffrait de la malaimance de sa mère et qu'elle passa son existence à la fois à essayer de ressembler à sa mère, de remplacer sa mère et de se faire aimer d'elle. Comme si sa mère avait gardé, en la mettant au monde, le secret de son être profond, la clé de son identité, et la détenait toujours. Comme si Audrey ne pouvait jamais rien être sans cette clé, que sa mère ne voulait pas lui donner. Mais ce sont là des mots. Il n'y eut jamais de certitude, d'intime conviction, jamais d'éclair de compréhension soudaine et totale. Une part d'ombre est toujours restée, cette part d'ombre qui m'a caché dans ses replis la possibilité, puis l'imminence du suicide.